laboratoire. La rue du salut, pourquoi tu vis dans la rue? Puis tu fais passe-moi un poc, j'ai dit ben passe-moi un poc. Ben passe-moi un poc, puis je vais encore des débuts. Yeah! Ah, c'était les colocs dans Passe-moi la poque. On s'ennuie des jardins. Et j'ai avec moi Véronique Laflamme. Bonjour Véronique Laflamme. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous qui êtes passablement occupé ces temps-ci. Nous allons parler de la Commission populaire itinérante sur le droit au logement, mais avant, pour le bénéfice de nos auditeurs, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le FRAPRU? Oui, le FRAPRU, c'est l'acronyme de Front d'action populaire en réaménagement urbain, un regroupement québécois qui existe depuis bientôt 35 ans, donc un regroupement d'abord de comités logement, d'associations de locataires, mais un regroupement qui fait, disons, qui est actif d'abord et avant tout sur les questions de droit au logement, mais plus largement de lutte à la pauvreté et également au niveau du respect de l'ensemble des droits sociaux. Le FRAPRU, donc, a 150 membres à travers la province, dont 30 qui sont les groupes les plus actifs, là, dont les comités logement dont nous parlions dans différentes régions du Québec. Passe-moi pas que c'est un peu un résumé du genre de problème que vous rencontrez finalement. En partie, en bonne en partie, oui. En partie. Parlez-nous de d'où est venue l'idée de mettre sur pied la Commission populaire itinérante sur le droit au logement? C'est une bonne question. Donc, d'abord, une commission populaire itinérante sur le droit au logement, ça s'était jamais fait au Québec, hein, faire le tour des différentes régions pour entendre parler les gens de leurs problèmes. Et ça implique la mobilisation des gens dans les 17 régions. Donc, c'est vraiment... c'est un gros travail. C'est un très, très gros travail. Ça implique non seulement de se promener à travers le Québec, ça implique également d'avoir une équipe de commissaires qui vont entendre les gens à travers le Québec, mais surtout que les locataires et les groupes sociaux de ces régions-là acceptent de prendre la parole, de même déposer des mémoires dans certains cas pour parler des problèmes qu'ils rencontrent dans leur milieu. Donc, cette idée-là est venue devant le constat que les problèmes de logement persistent au Québec dans l'indifférence plutôt généralisée des gouvernements et malgré les actions, les mobilisations, notamment du FRAPRU, mais de groupes dans toutes les régions qui crient souvent à l'aide, qui font preuve de désarroi devant l'ampleur de ces problèmes-là qui impliquent des drames humains souvent, mais pour lesquels il n'y a pas de solution immédiate. Alors, l'an passé, le FRAPRU avait fait le constat qu'il était important d'aller se mobiliser avec les gens des régions concernées et pas seulement des grands centres où on va souvent faire des manifestations nationales. Ça permet de mobiliser plein de gens, finalement. Ben oui, puis que les gens des régions, par exemple, comme l'Abitibi et la Côte-Nord, où on va jamais, hein, puis parfois les gens voient une, deux personnes pour des manifestations, mais il n'y a pas de mobilisation nationale qui va dans ces régions-là. Alors, pour faire ça, hein, c'est comme une forme de solidarité, parce qu'on parle souvent de solidarité internationale, mais il y a tout plein de gens avec lesquels on ne va pas se mobiliser dans les différentes régions. Oui. Alors, on a fait une caravane. Et ça, en soi, c'était une première. Il y a eu deux caravanes l'année passée qui sont allées dans plusieurs régions du Québec, mais pas toutes, pour dénoncer les problèmes de logement vécu dans ces régions-là. Oh, donc, malheureusement, il n'y a pas eu un très gros, malgré la très grande couverture médiatique et la bonne mobilisation au niveau politique, il n'y a pas eu de changement. Et on a un nouveau parti au pouvoir qui ne s'est pas engagé à faire plus que les libéraux l'avaient fait avant eux, malheureusement. Malheureusement est minoritaire. On s'est dit, ben là, on peut pas rester inactif et il faut poursuivre la mobilisation aussi avec les gens de toutes les régions. Et pour nous, le FRAPRU, le logement, c'est un droit. Puis c'est pas juste pour nous que c'est un droit que le Canada et le Québec se sont engagés à respecter. C'est un droit international. Tout à fait. Et c'est notamment dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qu'on a ratifié en 76 et dans lequel on reconnaît clairement que le logement, ce droit-là, c'est beaucoup plus qu'avoir un toit au-dessus de sa tête, mais c'est de vivre dans un lieu où on peut vivre dans la sécurité et dans la dignité. Et ça veut dire, selon l'ONU, qu'on a accès à un logement sans forme de discrimination aucune. mais également que ce logement-là nous permet, si vous voulez, ne nous empêche pas de jouir de nos autres besoins essentiels et des autres droits, hein, comme celui à l'alimentation, etc. Donc, force est de constater, quand on regarde les statistiques, au Frappé, on connaît très bien les statistiques, on les regarde régulièrement, on voit qu'il continue à y avoir au Québec 260 000 ménages locataires qui ont des besoins impérieux de logement. Donc, ça veut dire beaucoup. Qu'ils ne vivent pas dans un endroit qui est considéré comme étant habitable ou... pour lequel, justement, ils doivent consacrer une partie disproportionnée de leurs revenus. Donc, c'est beaucoup. Les statistiques nous disent déjà, en partant, qu'il y a des problèmes au niveau du respect du droit au logement au Québec. Dans la capitale, c'est 23 800 ménages locataires qui ont des besoins impérieux de logement. Alors, on connaît ces statistiques-là, les gouvernements les connaissent, mais il se passe rien. Alors, la commission, elle a pour objectif de mettre en lumière les problèmes de logement, mais que ce soit les personnes qui les vivent, qui puissent parler de leur situation, de l'impact de ces problèmes-là, et sur leurs autres droits notamment, et également que des groupes qui ne sont pas nécessairement des groupes logements, il n'y en a pas partout, vous savez, mais d'autres groupes, des centres de femmes, des syndicats, des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, des groupes de personnes à cité sociale qui viennent parler de leur constat au quotidien, des gens avec qui ils travaillent, qui rencontrent ces problèmes-là et de l'impact que ça a. Donc, la commission, ça vise vraiment à faire une vaste enquête, si vous voulez, sur les problèmes de logement et sur les dénis du droit au logement. Et pour faire ça, c'est une équipe de commissaires indépendants. Oui, j'allais justement vous demander de nous parler des commissaires. Est-ce que c'est toujours les mêmes d'une fois à l'autre ou ça varie, j'imagine, parce que c'est quand même vaste, le Québec? Oui, puis en plus, c'est un gros travail d'écouter, puis de faire, surtout, c'est que les commissaires, leur travail, c'est non seulement d'enquêter et d'entendre, mais également de faire un rapport qui va s'adresser au palier de gouvernement. Donc, les commissaires, c'est une équipe de 14 commissaires et ils sont trois. Pour chaque, ils sont trois pour chaque audience de la commission dans différentes régions. Et évidemment, chaque commissaire fait plus d'une audience. Chaque commissaire en fait au moins trois, mais certains en font plus. Et donc, ce sont des gens qui proviennent de différents milieux. Donc, des personnes qui représentent des groupes sociaux. Par exemple, on a la présidente du collectif pour un Québec sans pauvreté, la présidente de la Fédération des femmes du Québec, quelqu'un qui représente l'Union des consommateurs. On a aussi quelqu'un du milieu syndical, l'ancien président de la Fédération nationale des enseignants et enseignantes. Donc, on a également des juristes, des spécialistes en droit, notamment qui sont spécialistes sur les droits économiques, sociaux et culturels, notamment Maître Lucie Lamarche, qui est une grande spécialiste de ces droits-là au Québec. Et on a des chercheurs qui travaillent sur les questions de politique sociale. Céline Bello, par exemple, qui travaille sur la judiciarisation des personnes itinérantes, mais également Jean-Marc Piotte, qui est un politologue émérite de l'Université du Québec à Montréal. Qui va être à Québec lundi? À Québec, il va y avoir d'abord Simon Tremblay-Pépin de l'Institut de recherche socio-économique. On l'a déjà eu en entrevue ici, Simon. Alors, Simon est un des commissaires. Charles Leroy, qui est professeur de sociologie à l'UQAM, qui est responsable du collectif de recherche sur l'itinérance, la pauvreté et l'exclusion sociale, et Martin Gaillé, qui est professeur de droit à l'UQAM, qui travaille notamment sur les questions de droit au logement, en particulier au niveau des aides domestiques. Donc, une super équipe de commissaires à Québec. Mais oui, c'est intéressant de voir des gens, d'ailleurs, qui vont ou qui sont de l'extérieur, qui sont de Montréal, mais qui vont venir jeter un regard différent sur Québec. C'est intéressant comme approche. Vous avez débuté votre périple à Coudjouac le 12 octobre dernier. Pourquoi on va commencer par ce village Inuit? Bien, c'était très important pour nous, comme nous faisions la tournée des 17 régions du Québec. Pour le nord du Québec, c'était important pour nous d'aller au Nunavik parce que c'est la région au Québec où les problèmes de surpopulation, notamment des logements, sont les plus importants. Et parce qu'on parle très peu des problèmes de logement rencontrés par la population du Nord et donc les Inuits, hein, parce que les Inuits forment, dépendamment des villages, là, mais plus de 90-95% de la population du Nunavik. On sait que les problèmes dans certains villages nordiques sont majeurs, dans tous les villages nordiques, les problèmes de surpopulation, notamment de manque de logement, sont très graves. On en parle très peu et pour nous, au Frappru, c'était important au niveau symbolique de débuter sur ce territoire-là, la commission, pour lancer un message que nous étions solidaires et que pour nous, il ne fallait pas oublier les communautés nordiques et la population. Surtout dans le contexte du plan Nord qui va bouleverser plein d'endroits, que ce soit Nunavik, que ce soit... Tout à fait. D'ailleurs, on en a entendu parler beaucoup lors du passage de la Commission populaire à cette île, où nous étions la semaine dernière, le 24 octobre. Même le directeur, le président de l'Office municipal d'habitation de Havre-Saint-Pierre, qui est un tout petit office, est venu parler de l'impact de la Romaine sur la communauté, sur les problèmes de logement, l'impact du développement économique sur l'augmentation des coûts de logement, sur le fait qu'on évince les locataires pour pouvoir louer à meilleur prix à des travailleurs et travailleuses, et sur le fait que les gens dans les plus petites villes, ne connaissent pas leurs droits, et quand ils les connaissent, ils ont très peu de moyens de les faire valoir. Alors actuellement, ce qui se passe, c'est vraiment un genre de développement économique sauvage, même si le plan Nord n'est pas quelque chose qui est concret à l'heure actuelle. L'anticipation de ça et la création d'emplois a vraiment déjà un impact très grave. Par exemple, j'ai des petites annonces avec moi, des petites annonces des journaux au niveau de logements à louer. Le phénomène de chambres à louer pour travailleurs seulement, c'est répandu. Toutes les chambres à louer sont des chambres à louer pour travailleurs seulement. Et là, de plus en plus, c'est travailleurs de la construction seulement. C'est pas travailleurs, travailleuses chez McDo, là. Et on se permet donc de demander des prix qui sont plus importants parce que... On peut faire ça, on peut... C'est de la discrimination. C'est de la discrimination, c'est ça. C'est ça, ouais. Mais ça, on n'en parle pas ici au Sud, comme on dirait. Non, pas du tout. Ben pas du tout. Et ça, on pense qu'il faut que ça se sache. Ça fait partie des données qui sont pas, qui font pas partie des statistiques et que la commission veut mettre en lumière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la commission des droits de la personne et de la jeunesse qui a décidé de suivre les travaux de la commission. Et dans plusieurs villes, il y a un représentant, une représentante, parfois même un commissaire de la commission qui vient écouter. Et donc, on pense que ces phénomènes-là vont recevoir une oreille particulièrement attentive de la commission parce que ce sont des phénomènes de discrimination qui sont supposés être illégaux au Québec. C'est une belle preuve de la réussite de la commission, en tout cas en termes de réussir à attirer l'attention sur les problèmes de logement. Vous avez visité combien d'endroits au Québec jusqu'à présent? On a visité 10 villes, 9 régions, parce que pour l'Outaouais, où j'étais un petit peu plus tôt cette semaine, on a décidé de se rendre non seulement à Gatineau, mais également à Maniwaki à cause de la proximité de communautés autochtones et du fait que Maniwaki, la population de Maniwaki est composée, si vous voulez, de 15% de personnes se considérant comme autochtones. Donc, pour nous, c'était important là, de se rendre également dans cette ville-là. Donc, on est présentement à 9 régions de visiter. Mais vous êtes allé dans ma ville natale, d'ailleurs, Shawinigan. Oui, Shawinigan, ça a été une très belle audience. Où il y a des problèmes de logement. Beaucoup. Et Shawinigan, ce qui est particulier, c'est que Shawinigan, contrairement à Québec, dont on pourra parler un peu plus tard, où le taux d'inoccupation est très bas, Shawinigan, le taux d'inoccupation, il n'y a pas de problème. Hein? On parle de 7% d'inoccupation des logements. Donc, c'est un taux qui est très élevé. Donc, normalement, il n'y a pas de problème au niveau de la pénurie, mais la qualité des logements est problématique. L'entretien des logements, donc, il y a plusieurs problèmes liés à l'état de ce logement-là. Et également, il y a de plus en plus un phénomène où les logements se sont fait acheter par des compagnies, des sociétés en commandite, des compagnies à numéro de l'extérieur, alors qu'auparavant, c'était plutôt des petits propriétaires. Et là, ce que les locataires sont venus dire, c'est leur difficulté à avoir accès, par exemple, à l'entretien régulier, à se faire répondre à leur demande. Donc, c'est un phénomène grandissant, ça, parce qu'on voit ça aussi dans les terres agricoles. Là, de plus en plus, les compagnies étrangères achètent des terres. C'est la même chose dans le logement? Bien, là, Shawinigan, c'était un cas à part. Je dirais pas que c'est un cas à part, mais c'était la première ville où le phénomène a été nommé, a vraiment été nommé. L'autre problème à Shawinigan, c'est le revenu. En Mauricie, hein, parce qu'on parle de disponibilité des logements, mais les logements ont augmenté beaucoup au Québec, même s'ils sont moins dispendieux en Mauricie qu'à Montréal ou à Québec, l'insuffisance de revenus fait en sorte que c'est la région où il y a le plus grand nombre, l'augmentation du nombre de causes pour non-paiement à la régie du logement est vraiment majeure. Vraiment, on parle là de mémoire de plus de 30%, puis ça approche même le 40% dans le cas du bureau de Shawinigan. Donc, ça, c'est questionnant. Donc, il y a des logements disponibles, mais les gens ont de la misère à les payer. Il y a pour nous probablement un lien à faire avec le nombre important de pertes d'emploi dans cette région-là, à Shawinigan. Il y a plusieurs personnes à l'aide sociale qui sont venues parler des difficultés de pouvoir payer leur logement, et c'est une région où les logements sociaux qui existent, ce sont des HLM, mais beaucoup des HLM pour personnes âgées. Donc, pour les familles, il y a très peu d'alternatives, et ça a été nommé quand les gens ont revenu, quand les gens travaillent au salaire minimum ou sont à l'aide sociale ou sont au chômage, ils ne peuvent pas payer les logements. Et il n'y a pas d'alternative. Il y a très peu de coopératives d'habitation qui se construisent. Et des HLM, on sait qu'ils ne s'enflaient plus depuis presque 20 ans au Québec. Et ce qu'il y avait déjà, c'était des HLM pour personnes âgées. Donc, la question de l'absence, de l'insuffisance de logements sociaux a vraiment été nommée. Donc, c'est intéressant parce que souvent, on en parle quand c'est des villes où il y a une pénurie de logements. Mais là, c'est une ville où il n'y a pas de pénurie, mais où il y a quand même des problèmes majeurs. Le temps file. On a fait quand même un certain nombre de constats, vous et moi, jusqu'à présent. Si on en venait à votre prochain arrêt à Québec, lundi qui vient, ce ne sont pas des problèmes de logement qui manquent dans la région de Québec? Non. Vous avez dit 23 000 tantôt qui ont des problèmes. Oui, et 23 000 ménages locataires qui avaient des besoins impérieux au recensement 2006 à Québec. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est la région métropolitaine au Québec qui est la plus touchée par la pénurie de logements. Depuis le début des années 2000, on est toujours sous la barre des 3%. Ça revient régulièrement chaque année. Ouais. À chaque année, malgré qu'au Québec, on est toujours en pénurie de logements, mais pas en pénurie extrême. Maintenant, le taux d'inoccupation est à 2,2, là, la moyenne au Québec. À Québec, c'est 0,7. Donc, il y a toujours un problème de disponibilité. On sait que c'est lié notamment à la croissance démographique. Donc, il manque de logements. Mais il y a un autre phénomène qui est important. C'est celui-là de l'effritement du parc de logements locatifs existants. On voit très bien dans le quartier Limoilou où se trouvent les locaux de CKRL. Il y a un nombre important de logements qui sont transformés en condos. Et pendant ce temps-là, alors qu'il manque toujours de logements locatifs, il y a, pour la première fois l'année dernière, on a eu plus de condos de construits de logements locatifs, presque 3 fois plus de condos construits dans la région de Québec que de logements locatifs. On parle de 1986 unités de condominium versus 784 logements locatifs. C'est très inquiétant. On a un peu le même phénomène dans Saint-Roch, le quartier où je demeure, là, où il risque d'y avoir une pression très forte pour transformer de plus en plus de logements locatifs en condos. Vous attendez à recevoir plusieurs témoignages, j'imagine, à Québec? Écoutez, c'est presque sold out, comme on dirait. Les gens peuvent quand même se rendre. Les gens peuvent se rendre pour assister. On demandait aux gens de s'inscrire pour faire des présentations, des témoignages. Il y a toujours de la place de prévu pour les gens qui voudraient le faire sur place, mais au moment où on se parle, écoutez, on a plus que 23 organisations qui sont inscrites, une douzaine, treizaine de témoignages individuels. Donc, vraiment, on a dû devancer l'heure de début de l'audience de l'après-midi, donc de 15h à 14h pour pouvoir entendre tout le monde. Oui, j'ai vu passer ça sur votre... Il y a une page Facebook de la commission. Oui. Il y a un site web aussi où les gens peuvent se rendre. Tout à fait, où on met un résumé de chaque audience. Donc, même si c'est le rapport des commissaires qui va évidemment faire figure de rapport officiel, mais le Frappru fait un petit résumé de chaque audience pour que les gens puissent avoir une idée de ce qui s'est discuté. Chaque audience jusqu'à maintenant a été un franc succès. Les gens se sont mobilisés dans toutes les régions. Alors, il y a des résumés sur la page Commission populaire Frappru. Frappru.org. Il y a également un événement Facebook, Commission populaire sur le droit au logement, et la page Facebook du Frappru. Aussi, on utilise Twitter, donc on fait vraiment du live tweet à chaque audience. Avec le hashtag CPI, barre de soulignement Frappru. Donc, durant chaque audience de la commission. Il y a quelqu'un qui relève. Tout à fait, on donne des nouvelles de chaque audience. En terminant, vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste? Bien, sur le respect des droits, malheureusement, on voit que de moins en moins les gouvernements pensent en termes de droits. Hein, le logement, parfois, c'est déjà considéré comme une marchandise plutôt qu'un droit. Quand on regarde les droits économiques et sociaux, comme celui à un revenu décent, le gouvernement libéral précédent, comme le nouveau gouvernement péquiste, fait peu de cas, hein, notamment des problèmes persistants de pauvreté. On pense en termes différents. On a de moins en moins un sentiment de responsabilité collective par rapport à ces droits-là. Donc, je suis optimiste face à la mobilisation puis à la solidarité, mais mais c'est une belle mobilisation, cette commission, effectivement. Tout à fait. Puis on voit aussi les liens, les groupes sociaux qui travaillent ensemble contre la tarification des services publics pour une révision en profondeur de la fiscalité et la redistribution de la richesse. Je pense que la mobilisation du printemps dernier, notamment, me donne espoir sur notre possibilité de construire un rapport de force et de gagner. Mais malheureusement, on voit que la pression, autant au Québec qu'à l'international, est très forte. Oui, la spéculation est absolument incroyable. C'est ça. Au niveau du logement, on vit la spéculation. Le capitalisme, le système économique s'applique au logement. Puis on voit le résultat de ce système économique-là, quand il est laissé à lui-même, sauvage, on le voit beaucoup dans le Nord, son impact, puis le fait qu'il laisse totalement dans l'oubli les personnes qui sont déjà exclues de la société. Donc ça, c'est très inquiétant, mais il faut se mobiliser. Donc je suis un peu ambiguë face à la question de conclusion, mais il faut se mobiliser. Bien, merci beaucoup, Véronique Laflamme. Les gens, c'est on peut redire l'endroit, c'est à l'ENAP? À Québec, l'audience de la Commission populaire lundi sera à Québec. Donc, durera dans l'après-midi. Ça, c'est sur le boulevard Charest, tout près du Jardin Saint-Roch. C'est ça, en face du Jardin Saint-Roch. Donc, en face du jardin, l'entrée en face du jardin. Il y a une entrée sur les deux rues. OK, bon, les gens ne peuvent pas se tromper. C'est ça. Donc, c'est à 14h dans l'après-midi, 18h30 le soir. Bien, merci beaucoup. Il me reste à vous souhaiter une bonne suite. Merci beaucoup. Pour la Commission populaire itinérante sur le droit au logement. On va passer maintenant à l'éditorial du président d'Attaque Québec, Claude Vaillancourt. Claude Vaillancourt, cette semaine, son éditorial porte sur le financement de la culture. Il y a un lien quand même avec ce dont on vient de discuter. Il n'y a pas seulement dans le domaine du logement où on a, des difficultés à faire comprendre à nos élus que c'est important que le financement public soit présent. On écoute Claude Vaillancourt. La nouvelle de la fermeture de la Conférence canadienne des arts cette semaine est presque passée inaperçue. La Conférence canadienne des arts, mais qu'est-ce que ça peut bien être? C'est une organisation de défense des artistes fondée en 1945. L'un de ses plus beaux fleurons, c'est d'avoir contribué à la fondation du Conseil des arts du Canada, un organisme indépendant financé par le gouvernement fédéral qui accorde d'importantes subventions aux arts et aux artistes. Très important pour notre vie culturelle. Le Canada et le Québec auraient certainement pas le même visage sans toute cette culture qui nous distingue, soutenue par nos gouvernements. À de nombreuses occasions, la Conférence canadienne des arts a permis aux artistes de faire entendre leur voix à Ottawa. Mais le gouvernement Harper a tout simplement décidé de ne plus renouveler son financement. Mais pourquoi donc? À cause de sa politique d'austérité budgétaire, pourrait-on dire? Mais aussi, c'est que la Conférence des arts a osé s'attaquer à ce gouvernement. Deux exemples. Lors de l'élection de 2008, les conservateurs prétendait donner plus d'argent à la culture que les autres gouvernements. La conférence a démontré le contraire. Elle a montré que l'argent allait en fait beaucoup plus aux activités sportives et sociales qu'à la culture. La Conférence des arts a aussi soutenu les artistes dans leur récent combat contre la réforme du droit d'auteur, une réforme qui était clairement à leur désavantage. C'était donc beaucoup trop pour les conservateurs. Les arts subissent une autre fois la même médecine que les groupes de femmes et les groupes écologistes, par exemple. Vous n'êtes pas d'accord avec nous, disent les conservateurs? Vous n'appuyez pas les politiques de votre gouvernement, même si ces politiques vont contre vos propres intérêts? Ben, dans ce cas, vous n'aurez pas une scène. Tout ça révèle et relève d'une conception bien étroite de la démocratie. Mais en plus, on voit dans l'attitude des conservateurs une incompréhension, une méfiance, voire une haine envers les arts et les artistes. Rappelons qu'en 2008, les conservateurs avaient cavalièrement coupé deux programmes qui favorisaient les tournées à l'étranger de nos artistes, ce qui avait déclenché un immense mouvement d'opposition au Québec, et ce qui a grandement contribué aussi à leur recul au Québec pendant les élections. Rappelons qu'il serait très difficile de trouver des amis des arts parmi la députation des conservateurs. Pourquoi ce rejet des arts, donc, par les conservateurs? Parce que, peut-être, on ne peut pas aimer ce qu'on ignore. Parce qu'on ne peut pas contrôler les artistes qui en font toujours à leur tête et qui sont trop souvent subversifs. conservateurs ne se sont d'ailleurs pas gênés pour le dire. Parce qu'on ne peut pas soumettre les arts aux règles du marché. Or, c'est le rêve des conservateurs, tout soumettre aux règles du marché. Jamais, à aucune époque, l'art a suivi les règles du marché. Toujours, on l'a subventionné, aidé de toutes les façons possibles. On a fait des sacrifices pour s'entourer d'une production artistique vivante. Parce que l'art, c'est essentiel, ça donne un sens à la vie, un sens à l'existence des peuples. Sans un milieu artistique dynamique, comme c'est le cas d'ailleurs au Québec, c'est notre identité même qui est menacée. Mais ça, malheureusement, il semble que les conservateurs ne peuvent absolument pas le comprendre. Voici les livres qui ont marqué Pantoute. Des BD pour rire et à dévorer. Les aventures potagères du concombre masqué de Mandrika. La bande à Mafalda de Kino. La balade de la mer salée de Hugo Pratt. Les passagers du vent de Bourgeon. Pantoute, votre libraire depuis 40 ans. Écoute-moi. Écoute-moi. Une émission de Télé-Aide Québec. Service d'écoute téléphonique confidentiel et anonyme. Avec des invités de marque, nous échangerons sur l'écoute des autres et de soi, les émotions, la santé mentale, la solitude, le suicide et autres sujets en lien avec l'écoute et l'humain. Les mercredis dès 9h. Vous vivez des moments difficiles? Vous n'avez personne à qui parler? Écoute-moi. Écoute-moi. Écoute-moi. Écoute-moi. Un an après la sortie de son premier album, Chloé Lacasse revient en spectacle à Québec le mercredi 7 novembre au Théâtre Petit Champlain. Accompagnée de ses fidèles musiciens, la gagnante de l'édition 2011 des Francouvertes nous offre sur scène une musique aux influences pop-rock qui apporte un vent de fraîcheur à la chanson québécoise. Chloé Lacasse, le mercredi 7 novembre au Théâtre Petit Champlain. Billets en vente dès maintenant. Burlesque Aculin vous invite au voyage. Burlesque Aculin, le cabaret burlesque de Québec, vous convie à son tout nouveau spectacle Burlesque Aculin autour du monde. Venez célébrer les feuillages coquins avec des numéros inédits qui vous feront visiter les destinations les plus exotiques du globe. Burlesque Aculin, près de 40 artistes multidisciplinaires de Québec. Sur scène le vendredi 9 novembre à l'Impérial, 21h. 418-523-3131 ou impérialdequébec.com. Partez à la découverte de l'univers de la bande dessinée, du manga, de l'animation, de l'illustration et du fanzine. La vie en BD, en compagnie de Raymond Poirier et son équipe, tous les vendredis dès 17h30. CKRL, votre porte d'entrée vers le 9e art. Il fera chaud sur les ondes de CKRL à Kekalor. Valérie Blouin vous invite à découvrir la musique antillaise, caribéenne et latino-américaine. Laissez-vous charmer par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Kekalor, tous les samedis 14h. Conte de fées vous est présenté par la librairie Pantoute et Studio P. Derrière le double rideau de tes cheveux, les yeux, ton regard m'a traversé l'esprit et depuis il a fait des petits. Sur ce thème universel, j'ai d'abord une version. Nous sommes de retour à l'émission Le Grain de Sable, Le Grain de Sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL 89.1. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL et aussi faire un don en ligne en vous rendant sur notre site web ckrl.qc.ca. Merci de nous soutenir. Nous avons notre chroniqueur Cédric Leterme au bout du fil. Bonjour Cédric. Oui, bonjour Michel, bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, aujourd'hui tu vas nous parler de grève générale, c'est bien ça? Oui, exactement, tout un programme. En fait, si vous vous souvenez, lors de ma dernière chronique, il y a de ça un mois, j'avais fait un espèce de petit rappel de la situation ici en Europe, parce qu'on avait quand même fait une longue pause durant l'été, et on avait terminé finalement en regrettant qu'il y ait assez peu de réponses au niveau européen à la poursuite de ce qu'on appelle ici la stratégie austéritaire, quoi. L'austérité, mais d'une manière autoritaire en plus. Une stratégie qui, bon, on l'a déjà expliqué souvent, est aussi cruelle qu'inefficace, mais ça semblait pas susciter une réaction européenne, quoi. Mais il semble en fait qu'on ait entendu depuis lors, puisque la Confédération européenne des syndicats a finalement décidé de lancer un appel à une journée d'action commune le 14 novembre prochain. Donc c'est très bientôt. Et il y en a évidemment beaucoup qui souhaitent que ça prenne la forme d'une grève générale européenne, quoi. On va peut-être commencer par le début, nous expliquer à nous ici ce qu'est la Confédération européenne des syndicats. Oui, tout à fait. En fait, la Confédération européenne des syndicats, donc la CES, c'est désormais l'unique confédération syndicale qui est présente au niveau européen. Donc, elle est reconnue au niveau des instances européennes comme un partenaire social. Elle est associée à la CSI, Confédération syndicale internationale, j'imagine? Oui, également. Oui, tout à fait. Et donc, elle traite au niveau européen sur le même pied que les organisations patronales. Alors, elle rassemble, ses membres débordent de l'Union européenne puisqu'elle rassemble 85 organisations syndicales dans 36 pays européens. Et plus de 10 fédérations sectorielles, c'est un point de détail. Mais avant 1989, il y avait en fait une autre confédération européenne qui était d'orientation plutôt communiste. Mais elle n'a pas survécu à la chute du mur de Berlin, et donc les anciens syndicats qui faisaient partie de cette confédération-là ont rejoint la CES. Et donc du coup, il y a un rapport de force qui est plutôt défavorable à une ligne radicale, à une ligne un peu plus marquée à gauche. Donc c'est d'autant plus marquant que la CES appelle à une journée d'action du 14 novembre, qu'elle est plutôt connue pour sa frilosité, pour sa tendance à vouloir participer, à jouer beaucoup sur la concertation, sur la collaboration, etc. Et ça c'est lié à son histoire, mais aussi à la cohabitation pas toujours évidente entre énormément de nationalités avec des traditions syndicales fort différentes, avec des objectifs différents, quoi. Elle appelle bien une journée d'action, c'est ça? Pas une grève générale? Oui, non, tout à fait. Donc son appel, et c'est lié à ce que je viens de dire, elle appelle à une journée d'action qu'ils peuvent prendre, alors différentes formes, grève, manifestation, rassemblement, etc. Et donc c'est au choix des syndicats membres des différents pays de décider de leur mode d'action, et ils restent entièrement maîtres d'accepter ou de refuser de prendre part à cette journée-là. Ce qui se passe, c'est que dans la foulée de cet appel-là, des syndicats espagnols, portugais, italiens, grecs, Chypre et Malte également ont fait savoir qu'ils en profiteraient pour en faire une journée de grève générale. Il faut savoir qu'il y a déjà eu beaucoup de grèves générales, notamment ici en Belgique, en Portugal, il y en a eu plus de 5, je pense. Et donc la pression ici que ça accentue, c'est pas plus mal, il est temps, hein, face à la violence de l'offensive. En Belgique, certains syndicats ont déjà fait savoir qu'ils suivraient aussi, mais pas tous. Et on attend évidemment de suivre un petit peu dans les jours qui viennent les décisions des autres grands pays, hein, notamment des pays du Nord, puisque pour l'instant c'est surtout les pays dits de la périphérie, ou en tout cas du Sud, qui se mobilisent. Mais on espère en tout cas que ça va suivre et qu'il va y avoir vraiment un mouvement à l'échelle européenne et significatif, quoi. Oui, les pays du Sud, ce sont ceux dont on entend le plus parler d'ailleurs ici au Québec. Tout à fait, mais c'est eux qui sont vraiment dans la tourmente financière, en tout cas la plus aiguë. Mais quelles sont les revendications? Alors les revendications, évidemment au niveau minimal, c'est l'arrêt de la stratégie actuelle d'austérité, hein, et de désendettement qui plonge tout le continent dans la récession, voire dans la dépression pour certains pays comme l'Espagne ou la Grèce, et ça au mépris des droits sociaux et humains les plus élémentaires. Donc là, il y a un consensus évidemment pour dénoncer ça. Maintenant, au-delà de cette dénonciation-là, les avis commencent à diverger au sein de la CES et même à côté. Puisque par exemple, la position de la CES, la Confédération européenne des syndicats, c'est d'admettre la nécessité d'un ajustement budgétaire, mais simplement elle conteste le calendrier qui pourrait être trop court et les modalités qui sont trop injustes. Donc il faudrait mieux répartir l'effort pour ne pas trop affecter les plus fragiles, etc. Ce qui se passe, c'est que pour d'autres membres et surtout pour d'autres acteurs de la société civile qui vont aussi se mobiliser, c'est la légitimité même de la dette qu'il faudrait contester, et notamment le CADTM, hein, dont on a souvent parlé, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, qui travaille sur ces questions-là, qui estime qu'il faut faire un audit de la dette et refuser de payer tout ou en partie la partie de la dette qui serait considérée comme illégitime, quoi. Donc ça, c'est un premier point. D'un autre côté, au-delà du non à l'austérité, la CES déclare aussi que c'est une journée pour l'emploi et la solidarité. Alors ici aussi, il y a un problème, pas tellement au niveau de la solidarité, même si bon, il y en a beaucoup qui regrettent un petit peu le vague de la notion, mais de nouveau, c'est une façon de mettre tout le monde d'accord dans le contexte d'une centrale qui regroupe énormément de pays et de syndicats différents. Mais au niveau de la revendication d'emploi, par contre, il y en a qui sont pas très contents, puisque ça fait plusieurs décennies que les syndicats se font un peu avoir au piège de l'emploi, et c'est particulièrement aigu ces temps-ci, où dans un contexte de chômage de masse, pour justifier la création d'emplois, eh bien, on baisse les cotisations sociales, on accepte des dégradations des conditions de travail, on accepte qu'il y ait une pression à la baisse qui soit exercée sur les salaires. Autant de choses qu'on connaît ici au Québec aussi. Oui, mais voilà, les syndicats participent un peu de ça en disant, d'accord, on se bat pour l'emploi, mais finalement, on lâche sur toute une série de choses sur le côté, simplement pour défendre l'emploi. Et bon, évidemment, les taux de chômage ici en Europe sont énormes, sont colossaux, donc on risque de voir s'accentuer cette dynamique-là, et au prétexte de la crise. Et il s'agit vraiment d'un prétexte, puisque le chômage de masse n'est pas plus une fatalité que la dette, c'est pas quelque chose de naturel. C'est le résultat de choix politiques qui peuvent tout à fait être changés et remis en question. Mais ici, ça impliquerait évidemment des remises en question nettement plus radicales que ce que la Confédération européenne des syndicats est prête à assumer pour l'instant, en tout cas. Cédric, si tu le permets, on va faire une petite pause. On va écouter La Tordue dans Capitaine Nemo et on va revenir pour la suite de ta chronique. D'accord, à tout de suite. À tout de suite. Je suis Toto, je suis total, totalement perdu sans étoile. Comme un oiseau dans le gasoil, un albatros sans idéal. Nos capitaux, le capital mène le bal. Nos capitaux, le capitaine perd les pédales. Monnaie, monnaie, Nemo, Nemo. Le maître mot, c'est la monnaie. Capitaine Nemo, où tu nous mènes? Tu nous malmènes. Menu, monnaie, tu nous menus. On s'évertue à te gagner. On s'entretue pour te garder. On se dépaisse pour du papier. On se met en pièces pour de l'espèce. Monnaie, monnaie. Monnaie, monnaie. Monnaie, monnaie. Monnaie. Là, c'était un extrait de Capitaine Nemo, une chanson de La Tordue, un groupe qu'on aime bien, ouais, l'émission Le Grain de Sable. Et c'était tout à fait d'à propos, cette chanson. Avant la pause musicale, vous parliez de remise en question autrement plus radicale que ce que la CES est prête à assumer pour l'instant. Pourriez-vous nous préciser, Cédric? Oui, tout à fait. Par exemple, on pourrait réfléchir à ce qu'on entend exactement par les termes emploi et travail. On a beaucoup l'habitude de confondre les deux, mais en fait, c'est deux notions et c'est deux choses qui sont très différentes. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sans avoir d'emploi. On peut travailler bénévolement, on peut travailler dans son jardin, on peut exercer plein d'activités, les retraités travaillent alors qu'ils ne sont pas employés. Donc, par exemple, pour le sociologue Bernard Friot, que je vous invite vraiment à aller regarder, il y a différentes vidéos de lui sur Internet, et puis ses ouvrages sont vraiment très intéressant. On pourra mettre des liens sur le blog, Cédric. Voilà, tout à fait. On pourra mettre des liens. Oui, vraiment, parce que c'est quelqu'un qui a une réflexion extrêmement intéressante sur ces enjeux-là. Et donc, pour lui, l'emploi est vraiment au cœur des problèmes que l'on traverse actuellement, que notre système et notre modèle social et économique traversent actuellement. Et pour lui, l'emploi exclut du travail. Donc, il restreint en fait le travail. Il oblige les gens à avoir un emploi pour travailler et en excluant tous les autres. Et il nous fait finalement dépendre du bon vouloir des employeurs pour l'immense majorité de nos droits sociaux. C'est-à-dire que tous nos droits sont accolés à un poste et non pas à nous en tant que personne. Donc par exemple, pour lui, demander de l'emploi, exiger le plein emploi, etc., c'est finalement un mauvais choix tactique. Pour lui, il faut lutter contre l'emploi, mais pour les salaires, pour le travail, pour un ensemble de droits sociaux, etc. Et donc, c'est évidemment là une remise en question extrêmement radicale de ce que les syndicats portent de manière traditionnelle, en tout cas. Oui, ça me semble fort intéressant, mais dans quelle mesure ce discours-là peut être porté par les syndicats? Justement, c'est assez difficile, évidemment. La plupart restent liés pour des raisons historiques, pour des raisons de tradition idéologique, etc., à la logique du plein emploi, au fait que les droits sont justement attachés à des postes et non pas à des personnes. Le problème, c'est qu'ils restent aussi, de manière générale, généralement enfermés dans une espèce de logique productiviste, dans un imaginaire productiviste qui lie l'amélioration des conditions de vie à une poursuite sans fin de la croissance économique. Donc tout ça, c'est des imaginaires qui sont très forts dans les syndicats, mais qu'il faudrait un peu commencer à briser, à remettre en question. Et c'est des réflexions qui sont heureusement présentes au sein de certains syndicats de plus en plus, mais c'est souvent de façon minoritaire. Donc il faut espérer que ces réflexions-là vont finir par évoluer au sein des syndicats et même en dehors, et qu'on puisse un petit peu réfléchir à comment on envisage le travail, etc., à l'avenir. Vous nous parliez plutôt d'autres organismes de la société civile qui portent des revendications parfois différentes de celles des syndicats. Est-ce qu'ils se joignent eux aussi à l'appel du 14 novembre? Oui, tout à fait. Il y en a plein qui ont embrayé. Ne fût-ce qu'ici à Liège, le CADTM, donc qui est un organisme originaire de Liège, mais qui a maintenant un rayonnement beaucoup plus large, hein, qui fait partie d'un réseau international, ont décidé de suivre l'appel mais d'en faire un appel à la grève générale et donc d'organiser des activités de mobilisation dans ce cadre-là. On a aussi un groupe de défense des chômeurs ici qui s'appelle Riposte Chômeurs Travailleurs Engagés, dans lequel je milite ici à Liège, qui a décidé et qui réfléchit beaucoup évidemment sur ces questions-là, donc qui est intéressé en premier lieu par ces questions de réfléchir les rapports de travail et ce que ça implique dans les sociétés comme les nôtres avec les contraintes écologiques qu'on a. Donc eux aussi se sont joints à cet appel et souhaitent en faire une journée de grève générale, même si évidemment quand on est chômeur on ne peut pas vraiment faire grève, mais en tout cas d'en faire des actions de mobilisation à ce moment-là. Maintenant, ce qui reste à voir, c'est si au-delà d'une mobilisation synchronisée à l'échelle de l'Europe, c'est-à-dire chaque pays fait des actions en même temps, ce qui serait déjà une victoire, hein, à mon avis, on va avoir quelque chose qui s'en rapproche très fort, vu toutes les réponses positives qui sont arrivées jusqu'à maintenant. Il faut voir aussi s'il va y avoir une convergence quelque part pour mener une action conjointe au même endroit, de manière massive. Pour l'instant, moi, j'ai rien vu qui allait dans ce sens-là. On ne sait jamais, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans les jours à venir, mais ce serait intéressant aussi que ça aille dans cette direction-là. Eh bien, merci beaucoup, Cédric, pour cette chronique. Souhaitons que l'Europe syndicale et citoyenne fasse bouger les choses dans le sens des intérêts des peuples. Ça nous changerait de la situation actuelle où ce sont plutôt les financiers qui ont le haut du pavé. Oui, tout à fait. Bon, oui. À la prochaine, Cédric. À la prochaine. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Vous écoutez le grain de sable d'Attaque Québec jusqu'à 13h sur les ondes de CKRL 89.1. Par la suite, ce sera l'émission Contes de fées animée par Olivia Vu. Quelques événements à surveiller cette semaine, mais avant, on va écouter une chanson des colocs. On va crever en attendant l'été. Y'a mobilette, hey! Y'avait moins de monde sur les trottoirs. C'est une bonne journée pour les taxis. Puis mon coloc est en calvaire. Travaille dehors, après-midi. Tombé 24 pouces. Mon chum m'est pris dans la tempête. Allez, faut qu'on le pousse. Puis mettez-vous quelque chose à tête. J'sais pas si cette pièce est écrite sur la glace. Rendu au printemps, la dette est effacée. On aura plus d'argent, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va crever en attendant l'été. On va crever en attendant l'été. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Oh ben, mais c'est l'été. J'me souvenais plus de l'été passé. Je me souvenais plus que c'était aussi chaud. J'écoute jamais la météo. Il y a même plein de monde sur les trottoirs. C'est une bonne journée pour les taxis. Puis mon coloc est en calvaire. Travaille en dedans, après-midi. J'chauffais, réchauffais, réchauffais le soleil. François a sorti sa moto. Il y a baissé en Montréal, mais il s'en va pareil. Va faire un tour à Mexico. J'ai mon petit garçon écrit sur la glace. Il est parti avec les anges d'enfer. On n'aura plus d'argent, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va crever en attendant l'hiver. On va crever en attendant l'hiver. Hey! Amène une bouteille de rhum. Oh, j'y ai pensé, c'est bien, c'est écrit sur la glace. Il est parti avec les anges d'enfer. On n'aura plus d'argent, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va crever en attendant l'hiver. On va crever en attendant l'hiver. Hey! C'était les colocs qu'on va crever en attendant l'été ou l'hiver. À surveiller cette semaine, il y a d'abord, on a parlé en première partie d'émission avec Véronique Laflamme du Frappru. Il y a la Commission populaire itinérante sur le droit au logement. C'est lundi qui vient et c'est à l'ENAP. C'est à compter de... je crois que c'est 14h, j'ai un petit blanc de mémoire, et on va mettre de toute façon l'heure exacte, je crois que c'est 14h et 18h, mais enfin, on va mettre l'heure exacte sur notre blog, sinon vous pouvez toujours vous rendre sur le site du Frappru. Mardi le 6 novembre, ça c'est au restaurant Le Piolet, c'est au 103 rue Racine à Loretteville à Québec. Il y a une conférence de presse pour le lancement de la 4e édition de la Semaine de l'économie sociale des régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale sous le thème cette année, clin d'œil à la relève. La programmation de la semaine se trouve sur le site www.c'est bien plus.ca. Du 6 au 17 novembre, ce sont les Journées québécoises de la solidarité internationale. Mercredi, le 7 novembre, il y a une cérémonie d'ouverture, en quelque sorte. C'est une activité qui s'appelle une économie juste au service des droits humains à 18h au Centre culture et environnement de Frédéric Pack au 870 avenue de Salaberry à Québec. Ce sont les salles 322 et 324. C'est Carrefour Tiers-Monde ainsi que les membres organisateurs des Journées québécoises de solidarité internationale qui vous invite au panel d'ouverture des Journées québécoises. Qu'est-ce qu'une économie juste au service des droits humains? Il va y avoir Claire Dubé, qui est agente de développement principal à la CDEC de Québec. Alain Plouffe, qui est directeur technique chez Soco de Vie. Ginette Karike-Kiniana, qui est directrice générale de l'Associe. Patrice Lemieux-Breton, coordonnateur de Spirale. Et justement, samedi prochain, la première partie de l'émission va porter sur les Journées québécoises de la solidarité internationale. Jeudi 8 novembre, de 14h à minuit, c'est la Nuit de la liberté, amour, solidarité et réconciliation. Ça, c'est au Musée de la civilisation à Québec. Grand événement avec 3 mini-colloques destinés au grand public, ciné-débat, cabaret politique, café philosophique, spectacle, poésie, etc. Toujours le 8 novembre, la pauvreté dans tous ses états. 750 000 personnes ne couvrent pas leurs besoins de base. On parlait tantôt des difficultés de se loger. Quand on a au départ 750 000 personnes qui ne couvrent pas leurs besoins de base, on peut imaginer à quel point ça peut être difficile pour ces personnes de se loger. Alors donc, ça c'est le collectif national pour un Québec sans pauvreté, en collaboration avec le collectif de lutte à la pauvreté de la région de Québec, CLAP 03, et le Carrefour d'animation et de participation au monde ouvert, le CAPMO, offre un souper gratuit ou à contribution volontaire au 435 du Roi, au deuxième étage. Ça, c'est à 17h, et ça, c'est le 8 novembre. Et sinon, à 18h45, tout le monde se... se rend à la conférence présentée par Robin Couture du collectif national pour un Québec sans pauvreté. Et la conférence débute à 19h. C'est à l'ENAP, au 555 boulevard Charest-Est. C'est au même endroit où va avoir lieu lundi l'audience de la Commission populaire itinérante sur le logement. C'est la fin de l'émission. Merci à notre invitée de cette semaine, Véronique Laflamme du Frappru. Je rappelle que la Commission populaire itinérante sur le droit au logement est à Québec lundi prochain. Si vous êtes intéressé à assister à l'audience, rendez-vous sur le site du Frappru, www.frappru.qc.ca, pour connaître le lieu et l'horaire. Merci à Cédric Leterme qui nous livrait sa chronique depuis la Belgique. Et merci enfin à Claude Vaillancourt pour son éditorial qui nous a rappelé que la culture, c'est un bien collectif. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur le site de CKRL 89.1. Vous cherchez dans la programmation le nom de notre émission et vous aurez de là accès à la page où sont archivés les derniers enregistrements. Ces enregistrements sont aussi disponibles sur le site d'Attaque Québec, www.québec.attaque.org, où vous trouverez tous les détails de nos diverses campagnes et sur la façon de devenir membre d'Attaque Québec. Enfin, vous pouvez retrouver les enregistrements sur notre blog, Le Grain de Sable en un seul mot, sable au singulier. Le Grain de Sable, évidemment, c'est legraindesable.qc.org. Vous trouverez aussi sur notre blog divers liens Internet de ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Nous avons une page Facebook, cherchez-y dans Facebook le Grain de Sable sur CKRL. Nous avons aussi un compte Twitter, c'est Grain de Sable QC en un seul mot, donc @Grain de Sable QC. Réagissez-y, ça nous fera grandement plaisir de vous lire. Nous avons mis un lien pour vous y rendre sur notre blog. Et je vous rappelle que Attaque Québec veut dire Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Vous aimeriez qu'on vous lise en ondes? Écrivez-nous vos commentaires, suggestions, opinions à l'adresse courriel suivante, le grain de sable en un seul mot, @commercial.hotmail.com. On se retrouve samedi prochain à compter de midi pour une nouvelle édition du Grain de Sable d'Attaque Québec. Et moi, je vous dis, c'est Michel Lemonnette au micro. Je vous dis donc de passer, je vous souhaite donc de passer une excellente fin de semaine et semaine. À samedi prochain. Téléchargez Contes de fées sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Contes de fées vous a été présenté par la librairie Pantoute et Studio P. Le 9 novembre, le Cercle fête son 5e anniversaire. Une soirée à temps multiple à l'image du Cercle. Serez-vous dans un resto, une salle de spectacle, une galerie d'art, dans une installation immersive ou tout simplement dans un lieu où il fait bon vivre et échanger? Pour le savoir, rendez-vous au Cercle le 9 novembre et rejoignez la faune des artistes et DJ mettant en vedette Radio-Radio. Entrée 10$, venez vivre le tourbillon dès 18h. le-cercle.ca. Mood Session. Mood Session. Mood Session, fusionnant l'énergie du soul à l'ivresse du blues. Who's the man that I see? I need to know. Mood Session, au vieux bureau de poste de Saint-Romuald, le 10 novembre à 20h. Billets en vente au coût de 17$, taxes incluses. Réservé au 418-839-1018. vieuxbureaudeposte.com. Qui je suis, d'où je viens, du nord ou du sud, du soir ou du matin. Alors ça c'est ma vie en quelques mots. Le migrateur et ses mystères, Zachary Richard à Sentier Secret, mardi 6 novembre à 10h. Je me demande où est ma place. Alors là, c'est vraiment un battement de cœur qu'on sent. CKRL 89.1, Québec. temps des fêtes est souvent synonyme de courses folles, d'achats excessifs. Mais heureusement qu'il existe le traiteur Plaisir et Arôme pour nous sauver temps et argent.